L'affaire du courrier de Lyon par Georges Quint. Le Huif L'Oréal en 4, le 27 avril 1796, un peu avant minuit, le postillon de garde beauté et harnaché qui relais de Melun guettait depuis 3 heures l'arrivée de la diligence de Paris, entendit enfin le fracas d'une lourde voiture s'arrêtant devant la poste aux chevaux. Jurant et grommelant, le brave homme s'enfuit au-devant de son camarade. « Qu'est-ce qui t'est donc arrivé et pourquoi ce long retard ?»« Un retard? Tu te moques de moi ?» Ce n'est pas le courrier que je t'amène, mais une chaise de poste particulière. La malle est partie comme à l'habitude vers 5 heures au soir, j'ai même donné un coup de main pour la charger. Il est bon temps qu'elle a passé ici. Mais nous ne l'avons pas vue, nous l'attendons encore. C'est moi qui dois prendre le relais. Quel malheur a dû arriver. Reste là, je vais aux nouvelles. Le postillon, un homme Caron, remontant à cheval, retourna sur ses pas, regardant de tous côtés. À 3 quarts de lieue environ de lieu saint, qu'on appelait alors l'heure saint, il aperçut enfin la malle dételée d'un pied du grand chemin. Il s'en approcha et découvrit, face contre terre, le postillon percé de coups. Une main coupée saignait, non loin du cadavre. À quelques mètres, derrière un buisson, gisait le courrier portant au cou de blessures faites par un instrument effilé tel qu'un poignard. L'herbe était toute sanglante, et le terrain portait trace d'un grand nombre de pieds. Des paquets éventrés, des boîtes de bois servant à enfermer des liasses d'assignage jonchaient la terre. Saisi d'horreur, le brave homme s'enfuit au galop réveiller les autorités municipales de Melun qui, sans perdre de temps, se transportèrent immédiatement sur le théâtre du crime au lieu-dit Les Closeaux, à l'endroit précis où un ponceau dénommé Pont de Pouilly coupait la route nationale de Paris à Melun. Ses allées et venues, ses appels, ces galops dans la nuit n'avaient pas été sans éveiller et affoler la ville de Melun et aussi le village de Lieu-Saint. Tout le canton sut bientôt qu'un crime épouvantable avait été commis, et tout aussitôt chacun de faire appel à ses souvenirs pour aider la police à se saisir des coupables. Le vol semblait considérable, la sacoche du courrier contenait 15 000 livres en numéraire et 792 000 livres en assignats. La malle renfermait 7 000 000 en assignats destinés à différents receveurs, on parlait encore de bijoux, de rescriptions, de promesses de mandat. À ces époques troublées, les attaques à main armée sur les diligences étaient à l'ordre du jour. Des bandes de brigands sillonnaient la France, si bien que tout voyage devenait un danger. Les bois même entourant Paris cachaient des repères de malfaiteurs où les représentants de l'autorité n'osaient s'aventurer qu'en tremblant. Sous couleur de représailles politiques, voleurs, pillards, assassins, terroristes impénitents, bref, malfaiteurs de tout ordre, avaient constitué de vastes associations qui, sous les noms les plus divers, compagnons de Jéhu, chauffards d'Orgère, bandes du Soleil, etc., terrorisaient les populations, rançonnaient les malheureux que leurs affaires forçaient à voyager. Les mêmes scènes se renouvelaient continuellement. Un tournant de route ou un coin de bois, des obstacles naturels amoncelés, un arbre couché en travers du chemin, deux poutres placées horizontalement avertissait le postillon et le courrier qu'il fallait s'arrêter sous peine de mort. En même temps, à droite, à gauche, derrière les buissons, sur la crête des talus, reluisaient des canons de fusil. Des hommes, pour la plupart masqués ou la figure frottée de suie, se jetaient à la tête des chevaux, coupaient les guides et les traits, contraignaient les voyageurs à descendre, à se coucher sur le ventre, puis les dépouillaient consciencieusement, forçant les sacoches, ouvrant les malles, vidant les poches. Enfin, sous prétexte de saisir l'argent envoyé par le directoire aux armées françaises, combattant alors en Italie ou en Vendée, les gredins volaient effrontément tout ce qui offrait la moindre valeur, or, mandats, assignats, bijoux, armes, vêtements. Le coup fait, la troupe de bandits rentrait dans la nuit, s'égayait, s'évanouissait. Ce genre d'attentat se reproduisait fréquemment, et cette attaque à main armée dirigée contre la malle de Lyon n'était pas pour surprendre. Cependant, malgré l'habitude qu'ils en avaient, les magistrats et les habitants de Melun et de Lieu-Saint se regardaient atterrés devant la sauvagerie du meurtre dont venaient d'être victimes des hommes qu'ils connaissaient particulièrement, meurtre exécuté à quelques pas de chez eux, en pleine route nationale. Les langues se délièrent et chacun de préciser ses souvenirs. Toutes les suspicions visaient 4 particuliers, marquant mal, que l'on avait vus rôder à Montgeron, à Lieu-Saint et à Melun. Dès 5h30 du matin, les magistrats enquêteurs arrivaient en berline sur le théâtre du crime. L'on pressait de questions le postillon Caron, qui avait retrouvé les cadavres et la malle. Les papiers ensanglantés, dispersés çà et là, étaient réunis, chaque indice soigneusement relevé. Un gendarme découvrait, sous le pont, dans l'herbe du ruisseau, une paire de grosses bottes à revers, maculées de sang. Deux des chevaux de la malle, attachés à un arbre, broutaient tranquillement. Le troisième avait disparu. Autour des cadavres, l'herbe piétinée portait les traces d'une lutte violente, et le juge de paix de Melun dressait, d'après nature, un procès-verbal où il relatait ses sinistres trouvailles. Les paquets épars dans les champs, les flaques de sang sur le sol piétiné. Il relevait soigneusement quelques indices. Une houppelande bordée de bleu, un sabre cassé avec son fourreau, le dit sabre ensanglanté portant pour devise « L'honneur me conduira », une gaine de couteau, un éperon argenté, une paire de lunettes, un portefeuille contenant 260 livres, un billet de 45 000 livres, payable au sieur Exgoffon à Marseille, et dans les poches de ce malheureux, une petite chaîne jaune qui nous a paru être d'or, etc. La foule anxieuse surveillait de loin toutes les péripéties de l'enquête, échangeant ses doléances, déplorant unanimement l'insécurité des routes, l'audace des brigands, l'insuffisance de la répression. Quand nous reviendra-t-il enfin d'Italie ce Bonaparte, le héros de Montenotte, de Millésimo, de Mondovi, ce jeune vainqueur dont le génie, après avoir exterminé les sicaires étrangers, saura ramener l'ordre dans notre pauvre France en proie à l'anarchie. Avec lui, tout ira bien. Les premiers interrogatoires établirent que 4 quidam, éminemment suspects, avaient été signalés la veille, longeant les routes, s'arrêtant, ralentissant comme s'ils attendaient quelqu'un. Leur air étrange avait frappé les témoins. On décrivait minutieusement leurs costumes, leurs armes, la couleur de la robe des chevaux qui les avaient amenés. On était parvenu à rétablir leur itinéraire. À 1 heure, ils avaient dîné à Montgeron, à l'auberge de la Chasse. On les avait vus ensuite passer et repasser à Lieu-Saint, 20 témoins en traçaient de pittoresques silhouettes. Tous s'accordaient à désigner un homme brun de figure, au visage plein, l'air rêveur, vêtu d'une redingote brune, mélangée, puis un autre, blond de cheveux, habillé en bleu putois, précisait Charles Thomas Alfroy, pépiniériste à Lieu-Saint. Le citoyen Perrault, propriétaire à Saint-Germain, déclarait que, s'étant arrêté à Montgeron pour dîner à l'auberge de la Chasse, il remarqua dans l'écurie ces 3 particuliers et reconnaissait plus particulièrement celui qui prononça quelques mots provençaux, étant lui-même du Midi. Ce méridional bavard, portant un habit bleu à boutons dorés sur fond blanc. Tous les témoins signalaient 4 particuliers à cheval, allant fort doucement, changeant souvent de côté. Le citoyen Toumard, Chartier, s'était écrié devant son camarade Roger. « Voilà 4 citoyens qui me paraissent 4 voleurs. » Et l'enquête continuait, fertile en surprise. Nous avons voulu revoir, à 118 ans de distance, le théâtre où se commit le crime, et rapport officiel en main, il nous fut facile de constater que rien n'était changé. Nous avons refait le trajet de la malle-poste, parti à 5h30 du soir de l'hôtel du Plat d'Étain rue Saint-Martin, à l'angle de l'impasse de la Planchette, encore existante, dont le préau vitré sert actuellement aux messageries des chemins de fer du nord d'Orléans et de l'ouest État, à quelques mètres de la porte Saint-Martin. La voiture avait suivi la route nationale passant par Charenton, Villeneuve-Saint-Georges, Montgeron, puis, traversant la forêt de Sénart, elle avait contourné la pyramide et fait halte à Lieu-Saint. Le village de Lieu-Saint se composait alors, comme aujourd'hui, d'une longue rue bordée à droite et à gauche de maisonnettes, d'un cabaret et d'un relais de poste. Le cabaret de 1796 est devenu une sorte d'auberge dont l'enseigne, au courrier de Lyon, évoque le crime d'antan. Contre l'auberge, une cour, au pavé gras d'essence, renferme un dépôt de motonaft à l'usage de messieurs les automobilistes. L'odeur forte d'apéritifs, d'absinthe et d'amère sort par la porte entr'ouverte et l'on entend les consommateurs reprocher âprement d'avoir comme un manillon à la place même où jadis les cudiam dénoncés lors du procès criminel avaient guetté le signal des grelots et des claquements de fouet annonçant l'arrivée de la malle-poste parisienne. Après Lieu-Saint, un chemin de traverse reliant Pouilly à Savigny coupait et coupe encore la route nationale. C'est là, au lieu-dit le pont de Pouilly, que se déroula le drame, au milieu de ces grandes prairies baignées de soleil, coupées par des bouquets d'arbres et des lignes de peupliers. Vers les champs d'avoine, de seigle, de colza, décrits dans les rapports conservés aux archives nationales, l'endroit même où fut ramassé le corps mutilé du postillon Joseph Audebert, une floraison de trèfle incarnat pose une large tache rouge, rappel du sang répandu au mois d'août de l'an 4 lors du cri mystérieux. Malgré tout le beau zèle déployé, les recherches menaçaient de rester inutiles lorsque le brigadier Laurent Huguet, chargé d'enquêter, releva enfin une piste sérieuse. Un des trois chevaux attelés à la malle-poste dévalisée, celui-là même que montait le malheureux postillon, était retrouvé à Paris, errant rue Claude, près Saint-Louis, aux environs de l'ex-place royale. D'autre part, on put établir que le 9 Floréal, vers 4 heures du matin, au lendemain du crime, un nommé Étienne Courriol avait ramené, chez le citoyen Morin, 227 rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois, 4 chevaux dont le signalement correspondait assez exactement à celui des montures remarquées sur la route de Lieusaint à Melun le soir de l'assassinat. La justice se transporta chez Courriol. Le particulier avait pris la fuite, il ne fut arrêté que le surlendemain à Château-Thierry, en compagnie d'une fille Brébant. La voiture dans laquelle voyageait Courriol fut visitée, elle contenait des objets de toilette, une paire de pistolets, une livre de poudre à tirer, un sabre, beaucoup d'argenterie. On saisit sur l'inculpé un portefeuille renfermant 1 170 460 livres en assignats, reconnus pour faire partie du trésor destiné au paiement des troupes de l'armée d'Italie. Courriol fut ramené à Paris et l'instruction de l'affaire du courrier de Lyon commença devant le citoyen Daumonton, juge de paix de la section de Pont-Neuf. C'est alors que se produisit un coup de théâtre vraiment prodigieux. Le jour même où Courriol était arrêté à Château-Thierry, on confisquait les papiers d'un nommé Guénaud que sa mauvaise chance avait conduit à habiter la chambre voisine. Guénaud, un moment suspecté de complicité, donna des explications, établit un alibi, fut relâché. Or, le 22 Floréal, le 11 mai 1796, au matin, ce Guénaud, se rendant au bureau central de police pour réclamer ses papiers, croisa sur le Pont-Neuf un ami, Joseph Le Surc, enfant de Douai, comme lui, avec lequel il s'était déjà rencontré plusieurs fois à Paris. Le Surc invita Guénaud à prendre quelque chose, mais Guénaud, fort pressé, déclinant l'invitation, pria son compatriote de l'accompagner. Une fois les papiers rendus, on irait déjeuner ensemble. Le Surc, n'ayant rien à faire, suivit donc Guénaud dans l'antichambre du juge, déjà fort encombré de gens de service, d'huissiers, de témoins. Tandis que Le Surc et Guénaud causaient pour tuer le temps, deux campagnards les dévisageaient avec stupéfaction. C'étaient les deux servants de l'auberge de Montgeron, où les assassins présumés s'étaient arrêtés pour boire en guettant le passage du courrier. Ces filles croient reconnaître dans les hommes qui sont devant leurs yeux deux des assassins, ceux-là même qui ont fait halte dans leur auberge. Pas de doute, le plus petit, Le Surc, a joué au billard. Il porte encore la redingote brune qu'il avait ce jour-là. Le plus grand, Guénaud, était son partenaire. Ses serments affolés, dont l'une s'appelait Sauton et l'autre Grosse Tête, sont introduits chez le juge Daubenton et leur premier soin est de dénoncer les meurtriers. Le magistrat fait entrer Le Surc et Guénaud. Les deux femmes confirment leur accusation. Pas la moindre hésitation, ce sont eux, ce sont bien eux. Elles accumulent les précisions. On amène Courriol, déjà arrêté, elles le reconnaissent également. Daubenton, si bien servi par le hasard, presse de questions Guénaud et Le Surc. Tous deux sont obligés de convenir qu'ils connaissent Courriol. Ce Courriol, dont la culpabilité n'est pas douteuse. Ils sont également liés d'amitié avec un nommé Richard, encore un douaisien, complice avéré de Courriol et déjà sous les verrous. Le Surc avoue avoir dîné dernièrement chez le dit Richard. Tout s'enchaîne. Le Surc fait partie de la bande. C'est au dîner chez Richard que le coup a été préparé. Le Surc est fouillé, son portefeuille en forme de cartes de sûreté, l'une en blanc, l'autre au nom d'André Le Surc, alors qu'il s'appelle Joseph. Pourquoi ce faux ? C'est la carte de mon cousin. L'autre carte provient de papier récemment acquis. Je ne sais comment elle se trouve sur moi, etc. Les explications données sont reconnues inexactes et suspectes. Malgré leurs protestations, Guénaud et Le Surc sont arrêtés et écroués sur l'heure. Le procès des assassins du courrier de Lyon s'ouvrit le 2 août 1796 devant le tribunal criminel de la Seine. Il fut tragique et fertile en surprise. Deux camps s'étaient immédiatement formés. L'un tenait pour la parfaite innocence de Le Surc, l'autre affirmait son indiscutable culpabilité, soulignant son intimité avec les autres accusés, coupables avérés, notant les alibis mensongers, les coïncidences suspectes, invoquant certains billets saisis dans la botte droite de Le Sueur que lors de son incarcération à Melun, précisant à un ami ce qu'il conviendrait de dire pour l'innocenter, invoquant enfin le témoignage des 6 témoins qui se dressaient pour charger Le Sueur de la manière la plus forte et la plus énergique. Par contre, un bijoutier du palais Égalité jurait avoir passé en compagnie de l'inculpé la plus grande partie de la journée du crime. Ce négociant patenté citait même une vente de cuillères de poche dont Le Sueur aurait été témoin. Est-ce la preuve vengeresse? Tout au contraire. Les livres de commerce consultés portent à cette date un grattage, puis une surcharge, qui non seulement détruisent l'alibi sauveur, mais amènent l'arrestation de l'imprudent bijoutier. Inutilement, Hilaire Ledru, le peintre connu, assure-t-il avoir bu un verre de liqueur le jour du crime avec l'accusé, en un café proche des Italiens? Vainement, Clotilde Génie d'Argence, 20 ans, ouvrière en linge, avoue-t-elle avoir passé avec Le Sueur la soirée du 8 Floréal? La cour se montre incrédule. L'auditoire, partial, soulignait de ses rires les protestations des accusés. La citoyenne Tallien, Notre-Dame de Thermidor, trônait au premier rang, encadrée d'un fringant d'état-major de muscadins et d'incroyables, et le président Goyer devait, à maintes reprises, rappeler au respect de la justice cette cohue de curieux malveillants. Le 18 Thermidor, à 10 heures du matin, les débats étaient clos. À 8 heures du soir, les jurés rendaient leur verdict. Courriol, Le Sueur et Bernard s'entendaient condamnés à mort. À cet instant tragique, Courriol se dresse, avoue son crime, mais proclame l'entière innocence de ses 2 co-accusés. Bernard n'a fait que prêter ses chevaux. Le Sueur est absolument innocent. Guillotinez-moi, mais sauvez-les. Grand tumulte, hurlement, huée, la citoyenne Le Sueur s'évanouit et les gendarmes font évacuer le prétoire. 2 mois plus tard, Courriol, illettré, dictait de nouveau sa protestation, certifiée par le greffier concierge de la prison, et la revelière Lépaud, directeur, transmettait au conseil des 500 un rapport favorable à un sursis, rapport qu'au nom de la commission repoussait le représentant Siméon. On dresse l'échafaud, Le Sueur règle ses affaires, adresse ses derniers adieux à sa veuve, coupe lui-même ses longs cheveux blonds qu'il partage entre sa femme et ses enfants, monte avec calme dans la charrette qui le conduit au supplice, meurt silencieux. Et durant tout le trajet séparant la conciergerie de la guillotine, Courriol ne cessa de hurler à tous les échos l'innocence de Le Sueur. Tant de péripéties n'avaient pas été sans émouvoir profondément l'opinion publique. Le juge Daubenton se demandait anxieusement si sans elle ne l'avait pas fait l'inconscient complice d'une épouvantable erreur judiciaire, et il continuait ses recherches. 8 mois après l'exécution de Le Sueur, il réussissait à appréhender l'un des protagonistes, jusqu'alors introuvable, de cette mystérieuse affaire, le nommé Véron, dit Laborde, dit Durochat. Ce malfaiteur notoire fit au juge des aveux complets. Lui aussi assurait que Le Sueur n'était pour rien dans le crime de Lieusaint. Un certain Dubosc, chef de bande redoutable, dirigeait l'affaire. Bernard avait fourni les chevaux. Courriol, Vidal, Roussy dit Béroldi et lui-même Véron avaient seuls fait le coup. Après ses aveux, qui le délivraient de ses remords, Véron mourait sur l'échafaud, affirmant encore l'innocence de Le Sueur. M. Daubenton, de plus en plus anxieux, multiplie ses investigations, recherchant âprement les complices disparus. Il retrouve Vidal prisonnier à Sainte-Pélagie et se saisit enfin du terrible Dubosc. L'instruction recommença. Vidal nia tout, Dubosc crâna, dirigeant en quelque sorte les débats, narguant et défiant les témoins apeurés. Devant cet effronté malfaiteur, la compagne elle-même du guillotiné Courriol, alors épouse aimée du bourreau de Dijon, balbutiait et se troublait. Le procès allait cependant s'ouvrir, lorsqu'un matin, le geôlier constata l'évasion de Dubosc et de son complice Vidal. On s'affole, on se perd en conjectures, lorsque des plaintes guident les recherches. Dubosc, la jambe cassée, est ramassé dans un fossé, au pied d'un mur. On transporte délicatement à l'infirmerie l'intéressant blessé pris de fièvre terrible. « C'est sa dernière heure », assura le médecin, qui dut être fort surpris d'apprendre, à quelques jours de date, que son moribond venait de s'évader après avoir arraché la plaque de fond d'une cheminée et percé un mur d'épaisseur raisonnable. Appréhendé à Lyon, Vidal est guillotiné le 19 octobre 1798, mais Dubosc reste introuvable. 2 ans plus tard, cependant, un mouton vendait à la police l'insaisissable Dubosc que l'on arrêtait dans le passage des petites écuries, près le faubourg Saint-Denis, et le troisième procès du courrier de Lyon s'ouvrait devant le tribunal de Versailles. De nouveau, les témoins terrorisés hésitaient. Des ressemblances, certes, mais aucune certitude. C'est alors qu'éclate un stupéfiant incident. Un habile coiffeur versaillais, le sieur Julliard, fabriqua une perruque d'après la couleur et la forme des cheveux blonds légués à sa veuve et à ses enfants par le condamné Le Surc. Et sur l'ordre du tribunal, l'accusé Dubosc dut recouvrir sa tête brune de cette blonde perruque. Alors, plus de doute, plus d'hésitation, chacun de reconnaître et de charger Dubosc. Le bandit condamné meurt, le 24 février 1801, en protestant, lui aussi, de sa parfaite innocence. 3 ans plus tard, on guillotinait enfin un autre coupable, Roussy, comme complice de l'assassinat du courrier de Lyon. Ainsi, 7 têtes étaient tombées, alors qu'indiscutablement, 5 conjurés seulement avaient pris part au crime. À maintes reprises, la famille et les héritiers de Le Surc tentèrent vainement la réhabilitation de leurs douloureux parents. Toutes les revendications échouèrent, et cependant, la tradition de l'innocence de Le Surc est l'une de celles que la sentimentalité populaire a le plus ardemment adoptée. Depuis 1850, c'est-à-dire depuis l'année où messieurs Moreau, Siraudin et Delacour firent représenter sur la scène du théâtre de la Gaîté un drame en 5 actes intitulé « Le courrier de Lyon », tout Paris s'apitoya sur le sort de l'infortuné Le Surc. Les 3 vaudevillistes gagnèrent, haut la plume, le procès que tant d'avocats avaient perdu. Avec une prodigieuse habileté, expliquant les invraisemblances, entassant les hasards sur les malchances, ces habiles écrivains prouvèrent clair comme le jour que la justice, au bésigle brouillé, avait confondu 2 ménechmes, le bon Le Surc et le méchant Dubosc. L'impérieux besoin de réhabilitation cher aux âmes sensibles, les tirades à flonflon de Le Surc et de Daubenton, et aussi, il faut en convenir, les doutes, planant encore sur la mystérieuse affaire, créèrent la tenace légende. Le Surc fut-il l'un des assassins? Oui, sans aucun doute, assurent les magistrats. Non, sans aucun doute, proclament avec des larmes dans la voix les milliers de témoins qui ont instruit l'affaire au seul tribunal du théâtre de la Gaîté. Le mieux ne serait-il pas de conclure, sur un trémolo orchestré par M. Pilati, comme le juge Daubenton au dernier tableau de l'acte final, j'en appelle à la postérité. Ainsi s'achève l'affaire du courrier de Lyon par Georges Quint.